Chapitre 6. Quand la CIA expérimentait drogues et tortures sur des innocents. De tous les directeurs qui se sont succédés à la tête de la CIA, Richard Helms est sans doute celui qui a porté le plus lourd fardeau. Arrivé à ce poste en 1966, il a dû gérer une agence dont la réputation s'effondrait d'année en année sous les révélations par la presse de ses crimes passés, et fut mêlé bon gré mal gré au scandale du Watergate puis à l'élimination d'Allende au Chili. Helms a tout assumé, tout sauf un dossier qu'il a préféré faire détruire en 1973. Car ce dossier était pire que tous les autres, moralement et politiquement injustifiable. On ne connaît pas à ce jour d'autres affaires que l'agence ait tenté d'effacer ainsi de ses propres archives. MK Ultra est le nom de code d'une série d'expérimentations scientifiques financées par la CIA de 1953 à 1964 sous le règne d'Alan Dulles. Le docteur Sidney Gottlieb, qui les a supervisés, était alors le chef du service technique de la CIA, surnommé en interne « la boutique des horreurs ». Né à New York en 1919 et affligé d'un pied bot, ce chimiste de formation, devenu le patron des scientifiques à l'agence, habitait une ferme à l'extérieur de Washington. Sous l'apparence d'un bon père de famille avec ses 4 enfants, il y élevait des chèvres et cultivait des sapins de Noël. Chaque matin, après la traite des chèvres, il prenait sa voiture et se rendait au QG de Langley. Son activité première était de préparer les poisons et gadgets commandés par la direction des opérations. Voir le chapitre précédent. Mais il avait une mission plus délicate. On attendait de lui qu'il découvre la clé du reconditionnement mental. Au début de la guerre froide, les dirigeants de la CIA s'étaient vite persuadés que les Chinois et les Russes avaient trouvé comment briser la volonté de leurs prisonniers, soldats américains d'élite, pour les transformer en communistes dociles, prêts à dénoncer leur pays sur les ondes moscovites. Il fallait donc coûte que coûte comprendre comment ils s'y prenaient. Plusieurs voies furent explorées. Techniques d'interrogatoire musclées, drogues, hypnose, électrochocs, etc. furent appliquées à des cobayes involontaires, prisonniers de guerre, soldats et objecteurs de conscience, mais aussi patients d'un hôpital psychiatrique. La CIA finança en effet les recherches du docteur Ewan Cameron, vice-président de l'Association des psychiatres nord-américains, dans sa clinique de Montréal. Des femmes venues se faire soigner pour dépression nerveuse subirent ainsi des traitements à base de drogue et d'électrochocs pendant plusieurs années. Bien entendu, ces expérimentations n'aboutirent jamais à aucun résultat concret. Qu'elles aient pu être entreprises et poursuivies si peu de temps après les horreurs des camps nazis n'est pas facile à comprendre aujourd'hui. Elles témoignent d'une part de la fixation anticommuniste des dirigeants de l'époque. Tout procédé supposé utilisé par l'ennemi devenait une arme licite pour le combattre. Mais aussi d'une foi aveugle dans les progrès de la science, réputée pouvoir prendre le contrôle de l'esprit humain. Folie passagère ? Pas si sûr, car on retrouvera certaines méthodes et illusions dans l'affaire des prisons secrètes à la fin de ce volume. Les plaintes des familles de victimes ont déclenché de nombreuses et très longues enquêtes à partir des années 1970. Celle de Gordon Thomas, la dernière publiée, est d'une grande précision, car elle a bénéficié d'un témoignage de premier plan. L'officier Bill Buckley, jeune recrue de la CIA dans les années 1950, fut affecté au service du docteur Gottlieb et envoyé à plusieurs reprises en mission d'inspection dans la clinique du docteur Cameron. S'il fut ainsi complice de ces expérimentations, Buckley ne les approuvait pas et en fut marqué pour le restant de ses jours. Il se confia longuement à Gordon Thomas à la fin des années 1970, avant de disparaître à Beyrouth, enlevé et exécuté par le Hezbollah. Voici donc, sous la plume de Gordon Thomas, une partie de son témoignage.